départ, ne faire aucun écart. Elle attend tout ta part. Elle a savoir pour mieux te faire, mieux te plaire. Le bongo, s'il vous plaît, au saxon.